ahuri de l'essai nucléaire fructueux de la Corée, les États-Unis se comportent de façon insensée. Ayant déjà déclaré introduire massivement dans la péninsule coréenne leurs biens stratégiques nucléaires, y compris le porte-avions et le bombardier stratégique, ils ont lancé pour la mesure de première étape deux bombardiers B-1B dans l'espace aérien sud-coréen le 13 courant depuis la base de l'aviation aérienne Anderson à l'île de Guam.